nuit tombe sur l'Égypte entière. Le repas se mange debout, les reins sains pour le départ. Le peuple veille d'un même coup. L'agneau est immolé sans défaut. Le sang coule sur les linteaux et la mort passe au-dessus des maisons, protégée par ton sceau. La délivrance naît dans l'eau. Tu ordonnes que cette mémoire soit gardée de génération en génération.